C'était mon ami Rosaire de Rouen qui venait de sortir de du restaurant Marie-Antoinette. C'est un beau spectacle. Ah, Madame Thibodeau s'en souvient encore, puis elle me pleure ça dans les oreilles depuis... depuis que tu me l'as fait jouer, hein? Vous êtes une grande romantique. Ah, oui, le souvenir me remonte au bâbord et ils veulent pas qu'il y avait... ces souvenirs-là ne veulent pas quitter le tribord. Oh, alors vous êtes sur le bord. Je suis sur le bord de la déroute et je n'en verse que quelques gouttes. Oh, c'est bien dit, ça. l'heure, est-ce que c'est celui-là? Ah oh, oui, ok, oui. L'heure a maintenant sonné. Ding dong! Allô, madame? Comment ça va? Bon, ça va très bien, mon frère, monsieur, gagné! J'écoute votre beau programme! Oh, vous trouvez ça beau? Je trouve ça très beau. C'est un peu étrange, mais c'est très beau. Ok. Ce qui est étrange. Et toujours très étrange. Oui. Mais aussi, quelquefois, très beau. Oh, comme... Comme votre émission. Ok. Alors, monsieur Gagné, oui, vous avez fait un numéro? Oui, ben en fait, depuis 16 heures, je fais des numéros. Des numéros étranges? Oui, ben étranges. En fait, absurde. Absurde, oui. OK. Ah, non, mais je vous ai dérouté. Ben en fait, vous m'avez croûté. Croûté? Quoi? Ben, écoutez, le momentané du cervelet, parce que je cherchais, et en même temps, j'essayais d'enlever la couche. La couche de croûte! Eh oui, voilà. Et maintenant? Maintenant, ça va mieux. L'heure a maintenant sonné. Devenons, pour l'instant, d'un numéro d'improvisation, un fil Ariane. Vous l'avez déjà fait? Oui. Oui, mais là, c'est un autre... OK, un autre personnage. Un autre personnage. Vous avez entièrement raison, vous avez tout compris. Bon, moi, je comprends rapidement, surtout c'est une émission facile. Oui, mais je suis pas un garçon facile. Ah, ça, je sais, monsieur Gagné. Un fil Ariane... Un fil Ariane. Entre l'esprit d'un animal, un artiste ou tout autre spectre qui passa sur cette sphère, ce macrocosme que l'on nomme Terre. Et aujourd'hui, maintenant, ce sera Je communiquerai... Comment? Communiquerai. Oh! Vous avez eu de la difficulté? Ouais, mais c'est le communi, c'est le coco. Coco? Oh, t'as de la misère avec le coco, oui. Alors, communiquer, OK, avec... OK, oui, OK. J'étais sur mon bateau, tra-la-la-ti-la-la, le sur mon patatato, tra-la-la-ti-la-la, le sur mon patatata, sur patata, oui, OK, du OK. Para, OK. Alors, c'est une cigarette. Oh non, on va parler à une cigarette. On va, ben, on sait, en fait, on va essayer de parler... Elle est ici, elle fume, et ça me dérange beaucoup parce que dans nos studios, on n'a pas le droit de fumer. La cigarette? Comment ça va? OK. Vous êtes cigarette depuis... Oui, mais comment ça, vous êtes devenue une cigarette? Oui. Oh, et puis... Oh... Et puis, au fur et à mesure... Cendrier. Oh, c'est le cendrier qui vous a... Cendrier. Cendrier plein. Plein de cendre. Oh, ben oui. Hey, c'est peut-être là que vient le mot cendrier, cendre. Cendrier. Il y avait 100 cendriers. 100 cendriers. Pas une cigarette. Bon, y en a, pas une cigarette, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Oh. OK. Là, vous avez manqué un peu d'oxygène, je crois, dès la naissance. Ben, il n'y avait pas de bout. OK. L'oxygène n'avait aucun bout. Vous étiez un bout filtre. Un bout filtre, c'est ça. Oh. OK. Alors là, on peut pas non plus traduire tout ce que vous ressentez. Vous boucanez passablement. Ben, j'ai un vent. Oui. Oui. Et puis maintenant, comment croyez-vous vivre toutes ces barrières hein, au niveau... de la vente de votre produit préféré, qui est la cigarette. Oui. Ouais. Non, mais écoutez, c'est un témoignage touchant. Et j'espère que tous les gens qui se sentent concernés n'ont pas un dialogue aussi refermé sur eux-mêmes. Ils progresseront à travers ce sentier qui s'ouvre à nous en 2011. Et en fait, vous avez juste à sortir à l'extérieur et c'est tellement, comment dire, boucan... OK, oui. Oui, c'est vrai, c'est du smog. Mais c'est beaucoup moins pire ici qu'ailleurs. Hein. On n'a pas encore, à chaque coin de rue, un endroit pour prendre un masque afin d'avoir de l'oxygène. C'est réconfortant. Mais le moment où on sera à ce niveau-là, je crois que ça sentira un peu la autre chose que la cigarette. How to just get the fuck out now? Said I'm gonna lose control. In my skin and my bone. No matter how you're gonna tease, you know you're really gonna shake it, shake, yeah. Shake it, shake, yeah. Shake it, baby, roll. Oh, Ça, c'est Montréal. Ça, c'est Sainte-Terre. Tu te rends d'abord à Sainte-Terre, puis de Sainte-Terre jusqu'au lac Mistaoui, et c'est en haut-là. Tu te rends en prison, tu ramasses le prisonnier, un nommé, Claude Lachance, 17 ans. Tu l'accroches solidement au poignet, puis tu le ramènes ici à Montréal. Là, tes billets. Tes dépenses, 3 jours, 1 pièce 25, 3 pièces 75. Bon voyage. Puis à Joyeux Noël, hein? Je prends le train. Jusqu'à Sainte-Terre, oui. Puis après? Puis après? Ça, c'est ton problème. Veux-tu que je fasse le voyage à ta place? Oh, non, non. Tu connais? On disait j'entends une petite, là. Ah, oui, cherche la prison. C'est ça, prison. C'est la mairie. L'école, ici. La maîtresse, c'est pas... En bas, petit maudit barrière, à là-bas! Bonne chance. C'est Montréal pour les têtes. Allô, mon homme, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonjour! Ça va bien? On avait hâte d'arriver, il faisait frais. Rends compte de ce que tu fais là. Oui, t'es assez grandi, je ne reconnaissais pas. J'ai hâte de t'attendre de te voir. J'attends un jeune niaiseux de Montréal, je vais aller chercher mon prisonnier. Là. Après ça, on part. Va te tenter. C'est moi, le jeune niaiseux. Ah, il sera pas long, les filles, là. Venez. Viens là avec moi. Donnez rien qu'un conseil. Allez-y, jamais une minute. Pas pour manger, pour faire la toilette, pour rien. Surtout, laisse-toi pas prendre par ses beaux yeux, hein. Je viens chercher un nommé, Claude Lachance. C'est elle. Parle pas, mange pas, dors pas. Pense rien qu'à se sauver. Pour moi, ça dans le sens, ça n'a pas de bon sens. Ton gars de Montréal est arrivé, t'en vas pour le temps, c'est content? Ouais, lève-toi. Ouais, donne ta main. Ouais, ouais. Ouais, tiens, c'est des effets personnels. C'est pas grand-chose. On rouge à lèvres, c'est cigarette. Vous savez, Lise est au restaurant à cause de la petite butte là-bas. Là. Bon, mais joyeux Noël. Puis bon voyage. C'est un marchand qui sort. Ok, pour ce pas. Pleure trop. Tu reviendras n'importe quand, t'auras toujours. Elle est arrivée ici, ta serveur. Il y a 3 jours. Ah, ça va tout. 3 tasses comme ça, chaque fois. Oh, je vais m'en. Je t'ai préparé un lunch dans ta valise. Promets-moi d'en manger un petit peu, hein. Vous ne pouvez jamais en croire qu'elle fait quelque chose de croche. Regardez-la. T'as pas honte? J'aime respirer le vent aux frontières du désert. Quand soudain, je suis miné. Toutes les 20 minutes, je suis miné. Je vais à la rizière. Le soleil se lève sur l'horizon. Je fredonne une chanson, un petit air en l'air. Quand soudain, je suis miné. Toutes les 20 minutes, je suis miné. Je suis innocent, je veux de mal à personne. La guerre est finie, les armées sont parties. Pourtant à chaque instant, ça peut te péter au nez. Sois habitant sur des terres libérées. Je joue souvent au foot, mais le ballon a roulé derrière un bosquet. Je vais le chercher. Quand soudain, je suis miné. Toutes les 20 minutes, ma voiture est en panne. Je traverse le bois pour gagner du temps. Je rejoins ma famille, je les aime tant. Quand soudain, je suis miné. Toutes les 20 minutes, je suis miné. Je suis innocent, je veux de mal à personne. La guerre est finie, les armées sont parties. Pourtant à chaque instant, ça peut te péter au nez. Qui que tu sois habitant sur des terres libérées. Il y a 100 millions de mines antipersonnelles, comme des graines assassines semées par des criminels. 100 millions de mauvaises raisons sur la terre pour transformer le paradis en enfer. Pas les jeunes enfants, Pamilo, et tu as de la vie, Pamilo, pour souffrir comme les rois. parti si tu veux pas de trouble, fais-en pas. Ah, oh, rien. Je me suis brûlé un peu, mais ça va mieux, là. M'en sac, moi. Mais le train vous attendra pas. Il part à moins 20. Pas à moins quart. À moins 20. Police municipale? Non, provinciale. Prêté au municipal. Québec? Montréal. Petite fille, as-tu fait quelque chose de grave? C'est drôle, une police qui lit. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la vie des abeilles. Pourquoi je m'intéresserais pas aux hyménoptères, hein? Au quoi? Aux hyménoptères. Une famille d'insectes qui comprend les abeilles, les guêpes, les gourdes. Dans la région ici, personne ni personne n'écrit. C'est tous des Polonais, des Russes, des Ukrainiens. Charge dans le village, je trouverai même pas trois livres. Comment tu veux qu'un gars fasse son métier? Deux femmes aux États, ils dégonnent les mains. Elles préfèrent un hold-up. La même chose des hommes. Votre juif, tu sais. Pousse donc, toi, au lieu de rester planté là comme une souche. Non, tu sais, un bel habit de 14,95, un beau coup de 18 piastres, un beau chapeau, des beaux gants. Hey, ça me fait mal, ça, que j'ai poigné ensemble, j'ai piégé. Qu'est-ce qui est marqué dans mon dossier? Je ne sais pas, j'ai pas dit. Qu'est-ce que t'as fait? Sauter du troisième étage à l'orphelinat. C'est tout? Ben oui, m'a sauvé. C'est tout. Ben oui, écoute, penses-tu que j'ai volé une banque? Je suis dans la police, moi, je suis pas dans l'escouade. Dis-le que je suis une voleuse. Pas de ça. Non, mais tu le penses. Honey, come and go with me back to the West Indies. Baby, can't you see I'm losing my pep and my energy? What I need is drink the coconut water, the jelly, drink the coconut water. Yes, it is a builder. Drink the coconut water I cannot get in America. What is the tonic, man? Drink the coconut water, the jelly, drink the coconut water. Yes, it is a builder. Drink the coconut water I cannot get in America. Nothing medical center, what you think? The doctors told me I have to drink. They said, take this advice from me, Bobby, and go back to the West Indies. What you need is drink the coconut water, the jelly, drink the coconut water. It is a builder. Drink the coconut water I cannot get in America. What is the tonic, man? Drink the coconut water. Drink the coconut water. Drink the coconut water I cannot get in America. I remember when I was young, I was a husky and very strong. Now I am so feeble and weak, my knees keep knocking when I walk the street. What I need is drink the coconut water. Drink the coconut water. Drink the coconut water I cannot get in America. What is the tonic, man? Drink the coconut water. The jelly? Drink the coconut water. Yes, it is a builder. Drink the coconut water I cannot get in America. My friends, I would be glad the day I get back to Trinidad. I know my people would be glad to see me like a monkey climbing up the coconut tree. What I need is drink the coconut water, the jelly, drink the coconut water. Yes, it is a builder. Drink the coconut water I cannot get in America. What is the tonic, man? Drink the coconut water.

Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. For the last time, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Hey, c'était Robert, Robert, l'ami des grenouilles. Robert Mitchum. Oh! Nous allons puiser ici dans l'antre d'improvisation. Vous entendez, c'est pas ma tête qui frotte qui frotte la table, non? C'est une boîte presque en conserve. Mais on faudrait peut-être fermer le son. Pas le son, mais la peau. Oui, attendez, Remy, on va fermer ça. C'est comme chez nous, hein? Rentrer, sortir, mais on a aucune gêne. Alors là, je brasse toujours, non? Parce qu'il y avait un retour de son dans mes oreilles. Ça, vous le sentez pas, mais moi, c'est très, très, très désagréable. Alors bon, on a choisi dans l'antre de l'oncle Buck, toujours un peu comme dans l'improvisation que j'avais fait il y a quelques heures. Une phrase extraite de son recueil Contes et Nouvelles. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous êtes à CKRL. OK. Vous êtes à Errance Rénaldienne. Ouais. Et comment? Errance Rénaldienne. Ouais. Et puis, ben, vous êtes une émission spéciale de fin d'année et de début d'année. Ça s'appelle Adieu 2010, Salut 2011. Hey, c'est la première fois que tu nommes ton émission. Ah, c'est vrai. J'avais même pas. Je m'étais même pas. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour. Mais tu te prononces. Tu donnes pas ton nom. Hein? Tu laisses ça dans l'anonymat. Hey, ça dérange parce que là, il cherche à savoir où je l'ai vu, non? Voyons donc, il me semble que... Hein? Puis là, c'est toute l'interrogation, puis le cerveau qui se met en fonction. Et quand ça se promène là, dans les manèges, ça paraît bizarre. C'est comme si les yeux se viraient à l'envers. Alors donc, vous êtes à l'émission... Adieu 2010, salut 2011! La façon dont on dit, c'est pas n'importe quoi, là. Tu sais, c'est pas adieu 2010, salut 2011. Non. Faut mettre de la vie! Faut mettre de la vie comme une pièce de Molière, là. Faut que ça roule. Ou bien plus, encore plus rigolo, c'est beaucoup moins intellectuel. Comment tu les appelles? Dans les comédies de porc qui frappe, là. Ah ben oui, on appelle ça des comédies de porte qui frappe. Bon, ben alors, donc c'est ça. Alors, il y a de la vie. Oh, Dieu, ma femme! Là, c'est dans le placard. Mais là, il y a personne dans le placard actuellement. On a sorti le linge, on a sorti Rita Bibelot, on a sorti Jean-Luc, qui aimait bien être avec Rita Bibelot dans cette affaire-là. Là, on appelle ça un armoire. Un armoire. Comment ça, on appelle ça un armoire? Mais parce que c'est noir. Ouais, mais c'est pas un armoire, c'est un armoire. Ben, parce qu'il fait moire. OK, ça vient de Sol, de Marc Gauvreau. Marc Gauvrin, Gauvry, Gauvrette, Chauvrette. Alors donc, le début de la phrase, parce que là, faut bien commencer. Ben, commencer par quoi? Ben, par le début. Ah, tu te trompes jamais avec ça, hein? Quand tu finis par la fin, tu commences par le début, c'est... Non, mieux vaut l'inverse, hein? Ou vice la vice là. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est Ronnie avait rendez-vous avec les deux hommes au bon allemand au quartier de Silver Lake. C'est où Silver Lake? C'est quelque part à New York, aux États-Unis. Silver Lake. Alors, Ronnie, tout le monde le connaissait, Ronnie, hein? Eh, monsieur, c'était pas Ronnie and Clyde. C'est pas Ronnie, c'est Bonnie. Ben, Ronnie, Bonnie, c'était pas lui. C'était un individu qui se promenait toujours avec sa sacoche en cuir de crocro. Parce que c'est la meilleure, hein? Ouais, oui, parce que si quelqu'un ouvre la sacoche de crocro, pow, ça referme sur les doigts, puis tu sais, les dents de crocro. Ouais, mais ils ont enlevé les dents dans la sacoche. Non, pas celui-là, là, ça coûte, hey, c'est pas n'importe quoi ces crocros-là, là. C'est une sacoche qui a coûté 250 000 piastres. Vide ou pleine? Pleine! Pleine de quoi? De diamants. Oh, mon! Hey, des beaux diamants! C'est des diamants de même, là! On en trouve juste dans les 8! Ou dans les 10, non, pas des 15, des 20, mais des 8! Non, c'est des 8. N'importe où! Puis là, qu'est-ce que... C'était rempli de ça! Puis, il savait très bien qu'il y avait des mains curieuses, hein, qui allaient se rentrer. Ah, bon! De se rentrer quoi? Ben, se rentrer la chose, là! Ah, ben... Là, tu cherches pas, là, t'es comme trop lumineux. Mais merci, mais elle aussi est lumineuse. Oh! Packetville, tu peux bien dormir tranquille. Packetville, on se calme, là. Mais là, c'est quand j'ai rentré ma main, ça a refermé, puis ça fait ça. Ça fait comme une musique étrange dans ma tête. Oh, mais tu savais pas que sur ses dents, il y avait c'est pas du microbe, comment t'appelles ça, donc, du venin. Ben voyons, donc, du venin de crocodile. Ben voyons, donc, moi, j'ai tout marché, moi, dans l'Amazonise. Et là, quand tu voyais un genre de crocodile qui disait, ben, attention, ben là, je suis pas un crocodile, moi, là, je suis un dauphin. Mais ouais, il y a un dauphin de même. As-tu vu la queue du dauphin? Et toi, là, pis des grosses dents. J'ai jamais vu un dauphin avec des dents. Voyons, parce qu'ils mettent pas leurs dentiers, parce que sinon, ils me ressemblent un peu. Regarde-moi les incisives. Ouais, ben, incitez-moi pas à regarder vos incisives, parce que je risque de vous finir en sacoche. Ouais, ils me promettent bien des affaires. Puis moi, je veux jamais parler de ça, parce que je suis un gars qui... Vous êtes un gars? Ben, je suis un crocodile gars. Un crocodile gars? Ouais, pas un crocodile femelle. Oh, OK, il y a les mâles et les femelles. T'es un crocodile femelle. Vous, moi. Vous êtes un crocodile femelle. Crocodile femelle. Mais là, vous avez peur de rien? Peur de rien, même pas de ça. Et ça, c'était la fin. C'est comme si elle était enfermée dans un crocodile. Ben oui, dans sa coche, avec toutes les perles. Oh, venue d'un pays où il ne pleut pas. Exactement. Et vous connaissez ça, vous? Ben oui, moi, j'ai trempé dans le milieu des crocodiles. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. J'ai une jolie femme dont je suis épris, mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Sortant de sa chambre, à peine vêtue, elle se frotte le ventre et me dit d'une voix menue: fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. Baiser, à ses lèvres vermeilles, voilà mon réveil. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. J'ai trouvé la recette pour décourager sa passion secrète qui tient éveillé. Je remplace les pois chiches par des haricots. Et comme je m'en fiche, je jette la semoule au moineau. C'est plus du couscous, chérie, c'est plus du couscous. C'est plus du couscous, chérie, c'est plus du couscous. Voilà comment un soir, rongé de désespoir, pour une femme affamée, j'ai trouvé un nouveau mets. C'est plus du couscous, chérie, c'est plus du couscous. C'est plus du couscous, chérie, c'est plus du couscous. Fini le couscous, chérie, fini le couscous. Et désormais mon poulet, je veux du cassoulet. Hey, c'est vraiment tout ce que t'as fait, ça te sauver d'un orphelinat. Pas manquer le train, pas manquer à mes amis nuit, pas manquer le réveillon. OK! OK, là! On a acheté un gros. Un vrai, là. Les gros, ils sont plus gros. Les gros sont plus gros. Ouais. On va même manquer, Jodan. Woo! Laisse sécher! OK, ça marche. Tassez-vous. Laissez passer le monde. Hop, hop. OK, les autres, pas de presse. J'ai le temps en masse. Faut que j'aille à la toilette. Hein? 50. Non, pas droit de dépêche. 50, d'accord. Mais venez ici, 65. On va se faire barber là. Le train va avoir 3-4 heures de retard. Là. Ceux qui restent à Sainte-Terre, tournez-vous-en chez vous puis revenez plus tard. Les autres. C'est ça. Deux, trois brins de neige puis flac, tout arrête. À New York, ils vendent 10-12 000 machines par jour. Vous vendez des machines à écrire? Ah, les dactylographes. Dactylo, droit, grapho, c'est écrit les doigts. Le sauvage du Nord, et en tirant ses vaches, il y avait des boîtes aux pieds qui faisaient la grimace. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Tu m'as aimé, puis je t'ai aimé, à présent tu me quittes, tu m'aimes plus, et puis moi non plus, nous sommes quittes pour quittes. Tout le long de la rivière, tintilidam, tarlidam, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Tu te rappelles-tu quand tu me promenais dans ton canot d'écorce? Dans ce temps-là, tu faisais ton frais, tu m'achetais sur les roches. Sur le long de la rivière, tintilidam, tarlidam, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Toi dans ton coin, puis moi dans le mien, on se regardait sans cesse. Dans ce temps-là, t'avais de l'air fait, aujourd'hui t'as de l'air bête. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Le mouchoir que tu m'avais donné, tiens-le dans ta poche. Retire-toi d'auprès de moi, que le sorcier t'emporte. Sur le bord de la rivière, tintilidam, tarlidam, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Le casse-plume que je t'avais prêté, t'as besoin de le remettre. Si tu veux pas que je te lance la tête avec une flèche sur le bord de la rivière, tintilidam, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Et puis coquetant dans le monde entier, fillons la lurette, Les médecins veulent se planter, ils ont la lurette. C'était qui sera plus fort pour faire ressusciter les morts. Hi-ha-hi-ha-la, hi-ha-hi-ha-la, hi-ha-la lurette. Ils ont commencé par les animaux, ils ont la lurette. Mais ce qu'il y aurait de plus beau, ils ont la lurette. Ça serait pas une petite affaire de faire ressusciter belle-mère. Lurette. Des morceaux de singes, ils se font griffer, hi-ha la lurette, pour faire agénir leurs idées, hi-ha la lurette. On serait pas étonné d'aller poteau les voir grimper, hi-ha hi, hi-ha la, hi-ha la, hi-ha la lurette. À l'hôpital, il est allé, hi-ha la lurette, il a fallu l'opérer, hi-ha la lurette. Ils l'ont couché sur un brouillard, ils l'ont coupé comme un marche de l'or. Hi-ha-li, hi-ha-la, hi-ha-hi-ha, hi-ha-la, hi-ha-la lurette. L'opération avait eu lieu, hi-ha-la lurette. Ils l'ont cousu comme un sillet de bœuf, hi-ha-la lurette. Et quand il s'est réveillé, il a été désappointé. Hi-ha-hi-ha-la, hi-ha-hi-ha-la, hi-ha-la lurette. Il pensait qu'il était guéri, hi-ha la lurette. Chez lui, il est reparti, hi-ha la lurette. Et voilà qu'après un mois, ça le piquait dans l'estomac. Hi-ha-li, hi-ha-la, hi-ha-hi-ha-la, hi-ha la lurette. À l'hôpital, il est tourné, hi-ha la lurette. Au rayon X, ils l'ont passé, hi-ha la lurette. Ils l'ont trouvé mal à manger, il y avait le zipper de rinché. Hi-ha-li, hi-ha la, hi-ha la, hi-ha la lurette. Mon nom, c'est Octave Mélenchon. Hervé. Chanté, Hervé. Chanté. Chanté. Oh, que si vous voyez mon chant, j'ai rire, plein de vie, je crois, machine à laver, j'ai plus de prière, maman. C'est-tu gris, toi? Oui. Je parle de la machine. Oh, non. As-tu l'intention de rester dans la police longtemps puis d'en faire une grande... Excusez-moi. Oh, je t'en ai, je vais mourir. Va sauter par la fenêtre. Ben, non, ben. Tu restes combien de temps à faire? Bon, je sais pas, puis je veux pas savoir. Un an, deux ans, pas la fin du monde. Même moi, t'imagines-tu que j'aime ça être dans la police, arrêter le pauvre monde? Moi, je faisais mon cours classique, mon père a perdu sa job, sa chape a fermé. Sais-tu qu'est-ce que je voulais étudier? Tu voulais devenir prêtre? Je vais devenir entomologiste. Étudier les insectes. Les araignées. J'ai pas de ça. Des araignées, c'est pas des insectes, c'est des araignées. Ben, j'ai pas pareil. Mais me vois-tu pogné pour tuer quelqu'un? J'ai de la misère à tuer les mouches, ma collection. Bon, tu portes un revolver. Hein? Ben oui, je suis obligé, c'est le règlement. Non, le règlement. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur. Vous avez pas le droit d'être ici. Descendez. Descendez! Ta femme a oublié de faire à manger. Oh, je suis pas marié. T'es une blonde? Bon, ouais. Tu l'aimes? Oh, ben, dans la police, la première année, on n'a pas le droit de se marier, pas le droit de se fiancer. On fait 12 heures par jour. Ça fait 6 heures de travail, puis 6 heures d'entraînement, puis c'est pas l'entraînement qui est le pire. Hein. Moi, je fais partie du travail, de l'entraînement. Des vacances de Noël. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Tu trouves-tu que j'ai quelque chose de pas correct? Ben non, ça a l'air normal. Tu sais, je suis une fille méchante. Une fois, j'ai commis un meurtre. Ben, pas un meurtre, mais presque. Quelque chose de grave. De quoi? Il y avait une sœur que j'aimais pas, l'orphelinat. Une grande sœur noire, tu sais. 6 pieds, le cou croche, la mère. Sais-tu comment qu'on l'appelait? 6 ans moins 5. C'est bon, ça. C'est toi qui as trouvé ça? Non, non. C'est une fille. Une fois, j'étais à 6 ans moins. Ouf, t'es du bon. Ah, oui, donc, moi, ici, j'ai fait des cours au collège. Ça, dis pas, cette affaire-là. Bon, ben, dis-les pas, d'abord. Oh, puis tant pis, je te dis. Deux chiens battaient pour le même os. Lundi, mardi, c'est moi qui bosse. Mardi, lundi, on verra bien. Attends que je te gruge mon hostie de chien. Deux petits toutous, puis un petit os. Deux petits toutous, puis one small os. V'là un gros boss qui revire le coin. Deux chiens, un os, et puis... C'est très bien que je me fous de la bourse. Laisse-moi jouer avec ton nounours. Toutes ces données qu'il faudrait que j'épluche. Laisse-moi jouer avec ta pluche. Fugitif dans la jungle, je me bagarre pour sauver ma peau. Avec la suite bougie et une épingle, on m'a tatoué un S dans le dos. Un S en lettres capitales, S pour survivre au scandale. Je me suis pris tout un tas de raclés qui m'ont fait l'effet de baiser. Depuis j'avale de l'asphalte, un appareil sur les crocs. Je n'ai pas le choix, je ne fais pas de halte, charrié par le sirocco. J'aime pas qu'on soit dimanche. Le diable fouette tout de même sa poule. Malgré ses chaînes, elle se déhanche. Sans doute ce qui titille la foule. Remué par des rythmes meurtriers, il n'est question que de secousses, de caresses, d'étreintes, de sangliers qui ne supportent pas qu'une laine les repousse. La nuit noire, de toute façon je ne peux plus rentrer. Fugitif dans la jungle, parfait petit déchet de la société. Mais tu vois ce style de vie, on ne peut le souhaiter à personne. Je n'ai pas le choix, je suis plus que cuit. Je dois accomplir ma basse besogne. Fugitif dans la jungle, le corps couvert de rouge à lèvres, le corps déchiré par des ongles, rien ne peut calmer ma fièvre. Fugitif dans la jungle, fugitif dans la jungle. La ville d'or. Seule, une voiture circule. C'est la voiture 27, la patrouille de nuit. Soudain, un appel très important. Centrale, appel voiture 27. Priez de nous apporter un sandwich au jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs au fromage, un pistolet au pain, deux boudins noirs, un poulet croque et trois paquets de frites over. 27, appel central. Nous confirmons commande. Un sandwich au jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, deux boudins noirs, un boulis croque et trois baguettes frites. On beurre. Et la voiture 27 rentra au poste. Bilan de l'opération. 30 contrôles d'identité, 2 arrestations et un sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, 1 pistolet au pâté, 1 poulet croque et 3 paquets de frites.